Si, si, certes, c'est le KKK. Chaîne, Xen, j'ai les piles, j'ai le linge, j'ai le KKK. J'tape sur cette putain souris, j'suis l'enfant. Gardien, pour moi, t'existes pas comme un fils d'enfant. Pétasse, j'suis dans le zan, cocktail dans le sang. Sans stress, sans défense, j'suis dans le centre. J'jure dans le centre, dans la surface des marqués, j'jure dans le centre. Gardien, chez nous comme des étoiles, tu sais que les bédophiles. Négro, j'ai fait un rêve où j'exécutais des pédophiles. Princesse, c'est la FDT, négro, regarde les signes. Je repense à ma vie, je sais que je vais passer par la casse-flamme quand je regarde les signes. Gardien, équipe tous les jours. 6-7, comme un grand club, équipe tous les jours. Ah. Au-dessus de leur tête, comme un hélico. Ah. Fogue la France comme Karim et Nico. Ah. Au-dessus de leur tête, comme un hélico. Tous les jours, fuck la France comme Karim et Nico. Au-dessus de leur tête, comme un hélico. Fuck la France comme Karim et Nico. Au-dessus de leur tête, comme un hélico. Chaque jour, fuck la France comme Karim et Nico. Pétasse, MS, Studio, NRM 6-7. Que je fais, j'ai le plan pétasse. MMS, c'est le clan pétasse. J'suis dans le zan. Peut-être dans le sang. Équipe en défense, négro, j'suis dans le centre. 27, FDT, 6-7, Shenzhen. Équipe.